Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Le trou existe toujours, ce que les Américains ont appelé « Ground Zero », c'est-à-dire l'endroit d'où s'élevaient autrefois les Twin Towers, les deux célèbres tours jumelles du World Trade Center. Et cette gigantesque absence se prolongera encore longtemps, puisqu'on vient d'apprendre que la construction de la tour centrale avait été retardée et que ses locaux ne pourraient pas être mis en service avant 2019. Vous l'avez compris, Monsieur X a donc décidé de répondre aux nombreuses sollicitations d'auditeurs qui lui demandaient de les éclairer sur les mystères du 11 septembre 2001. En fait, il nous l'a dit dès la semaine dernière, il veut surtout faire la part entre ce qui relève du fantasme et un certain nombre de questions qui n'ont toujours pas obtenu de réponse. Ainsi a-t-il déjà mis en évidence le fait que Ben Laden, commanditaire présumé des attentats, était à la fois une créature des services secrets pakistanais et saoudiens qui se sont servis de lui pour recruter des moudjahidines au cours de la guerre d'Afghanistan. Une complicité qui s'est poursuivie bien au-delà du retrait des forces soviétiques en 1989. Mais M. X a aussi évoqué les liens étroits qui unissaient la famille Bush au milieu d'affaires saoudiens et en particulier au puissant groupe Ben Laden. Ce qui explique pourquoi, deux jours après la tragédie du 11 septembre, alors que l'espace aérien états-unien était encore fermé, 140 citoyens saoudiens ont pu rejoindre leur pays en toute hâte. Et parmi eux, il y avait des membres de la famille Ben Laden. La suite, dans un instant. Rendez-vous avec X. Je voudrais commencer ce nouvel entretien par une histoire très troublante. Avant le 11 septembre, le renseignement états-unien a failli. Enfin, nous verrons cela dans le détail. Oui, c'est-à-dire que les services secrets ont été incapables de prévoir ce qui allait se passer. Alors même que de nombreux indices étaient en leur possession. Mais c'est peut-être aussi qu'on ne les a pas écoutés. Bon, enfin, n'allons pas trop vite, je vais y revenir longuement. Toutefois, après le 11 septembre, ces mêmes services ont mis les bouchées doubles pour traquer les commanditaires des attentats. Et en mars 2002, grâce à des écoutes, ils ont localisé l'un des plus hauts responsables d'Al-Qaïda, un certain Zubaïda, un gros poisson. Où se trouvait-il alors ? Au Pakistan. Ce Saoudien qui avait longtemps séjourné à Gaza avait été recruté par le docteur Al-Zawahiri. Ouais, ça, c'est l'adjoint égyptien de Ben Laden. Bon, disons cela comme ça pour simplifier. Ouais. Zawahiri, qui est aussi le porte-parole du réseau Al-Qaïda. Mais revenons à Zubaïda. Dès qu'il est localisé, des agents américains avec l'assistance des forces pakistanaises donnent l'assaut à la maison qu'il occupe. Et l'homme, blessé au cours de l'attaque, est capturé. Il est aussitôt transféré dans une base secrète de la CIA en Afghanistan. Pour y être interrogé ? Et soigné. Mmh. Et là, les types de la CIA ont une idée de génie. Ils font en sorte de faire croire à Zubaïda qu'il a été transféré dans un hôpital militaire saoudien. Et ce sont deux agents arabes de l'agence qui procèdent à son interrogatoire. Deux agents qui ont revêtu des uniformes de l'armée saoudienne. Et le subterfuge fonctionne ? Oui. Zubaïda, dès qu'il réalise, se montre instantanément soulagé. Ah oui, parce qu'il craignait le pire. Évidemment. Il avait peur d'être torturé. Mais en présence de compatriotes, il est rassuré. Il n'hésite pas à se découvrir. Certain de se trouver entre de bonnes mains, il communique même à ses interrogateurs le nom et le numéro de téléphone d'un prince, un éminent membre de la famille royale saoudienne. Appelez-le, il vous dira ce que vous devez faire de moi. Il comptait donc sur la protection de ce prince. Et les Américains ont aussitôt vérifié que le numéro était bien celui du prince. Mais ce n'est pas tout. Zubaïda, mis en confiance, a livré d'autres noms. Ouais, encore des membres de la famille royale Deux princes, oui. Et aussi le nom d'un autre prince, Turki, l'ancien chef des services secrets saoudiens dont je vous ai parlé lors de notre premier entretien. La Turki qui a été le mentor de Ben Laden. Et qui, curieusement, a été démis de ses fonctions 10 jours avant les attentats du 11 septembre. Mais Zubaïda donne aussi le nom d'un maréchal pakistanais lié au service de renseignement de son pays, l'ISI. Autant de personnages qui, selon l'homme d'Al-Qaïda, aurait des rapports avec Ben Laden et ferait partie de ses sympathisants plus ou moins actifs. Inutile de vous dire que ces informations sont remontées très vite à Washington. Oui, j'imagine. Ouais. Réaction de la Maison-Blanche. Ouais. Le plus grand embarras. Accréditer ces renseignements aboutirait presque certainement à une rupture diplomatique avec l'Arabie Saoudite. Ouais, et l'Arabie Saoudite, meilleur allié arabe des États-Unis. Et l'un de ses principaux fournisseurs de pétrole. Ouais. Par conséquent, à Washington, on s'est empressé de faire le silence et même de répondre à ceux qui savaient qu'il s'agissait d'informations mensongères, dénuées de tout fondement. Alors, le coup de génie des types de la CIA, pour reprendre votre expression, n'a servi à rien. Ah, pas tout à fait quand même, car au moins 4 des personnages cités par Zubaïda ont quitté prématurément cette terre. 2 d'entre eux ont eu une crise cardiaque, un autre est mort de soif dans le désert. Quant au maréchal pakistanais, il a péri dans un accident d'avion. Seul le prince Turki a survécu. Et pour vous, ce sont des morts suspectes ? Bon, je n'en sais rien, mais évidemment, je m'interroge. Pendant, je note simplement que dans cette affaire, Ben Laden a perdu une belle brochette d'amis. Enfin, je n'en dirai pas plus, faute d'informations précises. Et ce Zubaïda, là, qu'est-il devenu ? Vous comprenez bien que les Américains ne pouvaient pas le relâcher dans la nature. Le Saoudien est donc demeuré dans les mains de la CIA, dans l'une de ses prisons clandestines que l'agence a installées un peu partout dans le monde. Et il y a été fréquemment torturé. Un avocat a même déclaré qu'il avait subi des dizaines de séances de waterboarding, comme disent les Américains. Oui, c'est-à-dire c'est des simulacres de noyade. C'est ça. Ouais. Puis Zubaïda aurait ensuite été transféré à Guantanamo, où il serait passé devant un tribunal militaire. Mais enfin, tout ça reste très flou. Et puis on a appris à la fin 2007 que la CIA avait détruit une partie des bandes enregistrées des interrogatoires des prisonniers. C'est exact. En tout cas, je pense vous avoir démontré que Ben Laden, malgré sa rupture officielle avec la famille royale saoudienne, conservait de solides amitiés en Arabie Saoudite. Et au Pakistan. Le Pakistan où il n'a cessé d'être aidé et soutenu par l'ISI. Et où vraisemblablement il se cache. Dans les fameuses zones tribales, oui. Alors maintenant, je vous propose un petit retour en arrière. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Al-Qaïda. Et vous savez ce que j'en pense. Hein. N'importe quelle organisation terroriste peut revendiquer son appartenance à Al-Qaïda. Elle ne sera jamais démentie. Oui, ça veut dire qu'on lui prête parfois les attentats qu'elle n'a pas commandités ou directement perpétrés. C'est ce que je pense. Ouais. En tout cas, pendant très longtemps, Al-Qaïda et Ben Laden sont demeurés des inconnus pour les Américains, qui étaient pourtant leur première cible. Ben Laden se trouvait-il déjà à l'origine du premier attentat là, contre le World Trade Center en 1993 ? Difficile à dire, mais il est presque certain qu'il connaissait les hommes qui ont perpétré cet attentat, qui a causé la mort de 6 personnes et blessé des centaines d'autres. Car tous ces terroristes islamistes appartenaient à la même mouvance et avaient poussé, si je puis dire, sur le même terreau, c'est-à-dire la guerre d'Afghanistan. Et ça plaçait les États-Unis dans une situation délicate. Pourquoi, à cause de l'implication des services états-uniens dans la guerre des Moudjahidines. Bien entendu. Ouais. Le chef du réseau terroriste qui a organisé ce premier attentat contre le World Trade Center est un certain Ramzi Youssef. Cet ancien Moudjahidine de la guerre contre l'armée rouge a été autrefois recruté par la CIA. Quant au guide spirituel de ce réseau, le cheikh aveugle Omar Abdelrahman, qui a été aussi impliqué dans l'attentat qui a coûté la vie au président Sadat en 1980, il est venu aux États-Unis grâce à un visa délivré par un diplomate américain, agent de la CIA. Ouais, ça montre en tout cas qu'en ce début des années 90, les anciennes connivences datant de la guerre contre les soviétiques existaient encore. Absolument. Mais ça n'empêche pas les terroristes islamistes de s'attaquer un peu partout dans le monde aux Américains. Mmh. En 1995, un attentat frappe la garde nationale saoudienne. 5 conseillers états-uniens sont tués. C'est Ben Laden qui se trouve derrière ? Très certainement. Même s'il n'existe pas de preuves contre lui, mais comme à son habitude, il ne revendique pas la paternité de l'attentat, mais se félicite de la réussite des opérations. Un an plus tard, en 1996... un camion bélier bourré d'explosifs est projeté sur un bâtiment qui héberge des militaires américains à Dharan, en Arabie Saoudite. Une 20aine de soldats sont tués. Et puis il y aura les attentats commis contre les ambassades américaines en Afrique. Hein. Ouais, en 1998, au Kenya et en Tanzanie. Des attentats particulièrement meurtriers, puisqu'on comptera plus de 200 morts, dont une majorité d'autochtones. Et là aussi, on voit la main de Ben Laden. Bien sûr. Et c'est d'autant plus évident que quelques mois plus tôt, le chef d'Al-Qaïda a lancé une véritable déclaration de guerre contre les États-Unis en appelant les fondamentalistes islamiques à tuer des Américains, y compris des civils, dans le monde entier. Ah, mais il annonçait en somme les attentats du 11 septembre. Oui, oui, et du même coup, il devenait l'ennemi numéro un des Américains. La CIA ne pouvait plus rien pour lui. Reste à comprendre pourquoi, pendant si longtemps, Washington a fait preuve de tant de mansuétude à son égard. À ma connaissance, Éric Laurent, dans son ouvrage « La face cachée du 11 septembre », est l'un des seuls auteurs à décrire de façon détaillée l'épisode Zoubaïda et ses révélations recueillies par les agents de la CIA. Et il cite sa source, le journaliste enquêteur américain Gerald Posner, auteur d'un best-seller sorti en 2003 aux États-Unis « Quand l'Amérique dormait, l'échec pour empêcher le 11 septembre ». Laurent, lui, conclut ainsi. En apportant un éclairage aussi cru sur cette alliance clandestine tissée par des responsables pakistanais et saoudiens avec la mouvance terroriste d'Oussama Ben Laden, Zoubaïda ne pouvait qu'embarrasser Washington. Quand les informations de Posner furent publiées, un communiqué officiel diffusé par les autorités américaines affirma que ces assertions, après vérification, étaient fausses et malveillantes. Selon Posner, l'administration Bush avait décidé qu'il était hors de question de créer un incident international et de tendre les relations avec des alliés régionaux qui jouaient un rôle critique tant dans la guerre en Afghanistan que dans la préparation d'une intervention militaire en Irak. Le livre de Laurent est paru chez Plon. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire que les Américains ont eu en main, dès 1995, les éléments d'information qui auraient peut-être pu leur permettre de prévenir la tragédie du 11 septembre. C'est-à-dire ? Cette année-là, ce Ramzi Amen Youssef, qui a déjà frappé une première fois le World Trade Center, séjourne aux Philippines. Là, il travaille à mettre au point un plan très ambitieux. Le détournement d'une dizaine d'avions de ligne sur le territoire des États-Unis. Des avions suicides qui seront précipités contre des centrales nucléaires ou des tours. Il envisage même de frapper la centrale de la CIA à l'anglais. Au fond, c'est déjà le scénario du 11 septembre. Exactement. Mais à la suite d'un incendie accidentel, les services philippins sont mis sur sa piste. Et aidés par des agents américains, ils arrêtent Ramzi Youssef et découvrent quelles étaient ses intentions. Et le terroriste est ensuite transféré aux États-Unis, où il sera lourdement condamné. C'est pourquoi, alors, dès cette date, on sait que les terroristes islamistes ont l'idée d'utiliser des avions de ligne comme des armes, au fond, pour perpétrer des attentats. Mmh. Alors, je reviens à ce que vous disiez, là. Cette trop longue mensuétude américaine vis-à-vis de Ben Laden, au moins jusqu'en 1998, d'après vous? Il faut d'abord dire que les Américains ne l'ont pas tout de suite pris au sérieux. Ce fils de famille richissime qui flirtait avec les terroristes et leur adressait de gros chèques faisait ça pour les pattes. Ah oui, un dilettante en somme. C'était la première analyse des experts de la CIA. En outre, les services secrets américains avaient une taupe chez Ben Laden. Et ils pensaient pouvoir le contrôler à distance. Toutefois, après les terribles attentats contre les ambassades américaines en Afrique de l'Est, ils comprennent que leur taupe joue un double jeu. Elle ne les a pas avertis à temps. C'est évident. Mmh. Alors, et cette taupe-là, qui est-ce? Un Égyptien, Ali Mohamed, un jeune militaire très intelligent et particulièrement doué pour les langues. Au milieu des années 80, il doit quitter l'armée égyptienne parce qu'il affiche des opinions extrémistes. Quoi, islamistes? Si vous voulez. Mmh. Et déjà, il doit être membre d'une organisation clandestine. C'est à cette époque qu'il est sollicité par la CIA. Il se trouve alors en Europe et on lui demande d'essayer d'infiltrer le Hezbollah. À cause des otages américains au Liban, j'imagine. Naturellement. Ouais. La suite est confuse. En réalité, Mohamed espionne la CIA pour le compte du Hezbollah ou de quelque autre organisation terroriste. Les Américains s'en aperçoivent? Apparemment, oui. Ils rompent? Peut-être. J'ai du mal à comprendre. C'est que moi-même, je ne saisis pas toute l'affaire. Ou alors, il me manque des informations essentielles. Voilà, bien modeste pour une fois. Hein. N'est-ce pas? Mais écoutez plutôt la suite. Et vous partagerez mes doutes. Mohamed est donc soupçonné d'avoir trahi la CIA. Mais ça ne l'empêche nullement d'obtenir un visa pour les États-Unis. Étrange, non? Ouais. Ce n'est pas fini. Car le jeune Égyptien va obtenir la nationalité américaine et s'engager dans l'armée. Alors, vous pensez donc qu'il n'a pas vraiment rompu avec la CIA? Ça me semble évident. Ouais. Sinon, on ne l'aurait pas autorisé à rejoindre l'armée américaine. Alors, et qui fait-il? Il est affecté à Fort Bragg. Là, en raison de ses réelles compétences, on lui confie une mission d'instruction. Instruction des militaires? Oui, mais pas n'importe quoi. Le sergent Mohamed est chargé d'éclairer les troupes sur la situation au Moyen-Orient et la culture islamique. Il donne des conférences, enregistre des cassettes vidéo, bref, il remplit parfaitement ses fonctions. Il est donc bien vu par ses supérieurs. Ah, tout à fait. Et pourtant, il les intrigue. Pourquoi, par exemple, se rend-il chaque week-end à New York? Mieux, pourquoi, à la fin des années 80, disparaît-il plusieurs semaines? Vous avez les réponses, vous? Oui. À New York, il rencontre régulièrement des fondamentalistes islamistes installés à Brooklyn. Un groupe qui est sans doute l'antenne new-yorkaise d'Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden. Mais s'il a gardé des liens avec les services secrets américains, il remplit peut-être là une mission de renseignement? On peut l'imaginer. Alors, et sa longue disparition? Il serait allé en Afghanistan. Ah ouais. Et il y a vu Ben Laden peut-être? C'est ce qu'il affirme à son retour. Il aurait même combattu dans les rangs d'Al-Qaïda contre les troupes soviétiques. Et à son retour, il donne de précieuses informations sur l'organisation de Ben Laden. Il annonce même que le Saoudien s'en prendra bientôt aux intérêts américains. Et à partir de là, alors les Américains ont de plus en plus confiance en lui. Bien sûr. Mmh. Grâce à Mohamed, la CIA pense pouvoir prévenir les actions terroristes d'Al-Qaïda et à terme démanteler l'organisation de Ben Laden. Et pourtant, il y aura des attentats. Et Ali Mohamed sera même soupçonné d'avoir participé à leur préparation. On le trouvera par exemple à Nairobi où l'ambassade américaine explosera. Et d'autre part, il fréquentait les auteurs du premier attentat contre le World Trade Center. Mais s'il remplit une mission d'espionnage, c'est normal, non? Vous avez raison. C'est toute l'ambiguïté de la manipulation d'une taupe. Et je vous l'ai dit, finalement, en 1998, les Américains tranchent. Mohamed rend plus de service à Ben Laden qu'il n'en fournit à leur service secret. Il est arrêté et il est toujours emprisonné. Curieuse affaire, quand même. Oui, et qui est loin d'être clair, même s'il a plaidé coupable, sans doute, pour obtenir la clémence des juges. Mais alors, Pour revenir à Ben Laden, là, les autorités américaines savent maintenant que l'homme est très dangereux. Et pour le président Clinton, c'est désormais une cible prioritaire. Il faut éliminer le Saoudien. Et c'est pourquoi, après les attentats contre les ambassades africaines, il ordonne le bombardement des camps d'Al-Qaïda en Afghanistan. Ouais, il y aura aussi la destruction d'une usine au Soudan. Une erreur manifeste. L'usine ne produisait pas d'armes chimiques, mais des médicaments. Enfin, passons. Toujours sous l'impulsion de Clinton, on crée une cellule antiterroriste qui regroupe des membres de plusieurs services. CIA, NSA et FBI. Une cellule destinée à lutter contre Al-Qaïda. Et cette cellule, acronyme ALEC, fait du bon boulot. Elle avertit clairement l'administration que le réseau de Ben Laden entend frapper les États-Unis sur leur territoire et qu'il cherche à se doter d'armes non conventionnelles. Toutefois, l'ALEC se heurte à de nombreux obstacles. Visiblement, l'administration américaine répugne à donner son aval à des opérations violentes contre Ben Laden. Par exemple Des projets d'enlèvement. À chaque fois, la Maison-Blanche ou les hautes sphères de la CIA mettent leur veto. La Maison-Blanche, où le président est visiblement affaibli par l'affaire Monica Lewinsky. Oui, ça ne veut pas ranger les choses. En outre, il faut bien le reconnaître, le lobby pétrolier use de toute son influence pour prêcher la modération. Expliquez ça. C'est très simple. Les pétroliers états-uniens lorgnent sur les gigantesques ressources des pays d'Asie centrale. Mais ces anciennes républiques soviétiques sont enclavées. Et pour acheminer leur pétrole vers un port pakistanais, il faut construire un oléoduc à travers l'Afghanistan. Toutefois, pour édifier un tel ouvrage, une condition est nécessaire, la paix. Or, l'Afghanistan ne cesse d'être déchiré par des conflits entre les diverses factions armées. Cependant, l'une de ses forces est sur le point de l'emporter et d'imposer sa loi. Les talibans. Oui, ces pseudo-étudiants en religion, armés et formés par les services pakistanais, sont devenus les maîtres de Kaboul. Les pétroliers américains sont donc tout prêts à faire affaire avec eux et même à les financer afin de pouvoir enfin construire leur oléoduc. En dépit des atteintes aux droits de l'homme. Évidemment, ça ne compte pas beaucoup pour ces gens-là. Mais ici se pose un vrai dilemme pour les États-Unis, car les talibans et leur chef, le Mollah Omar, sont les protecteurs de Ben Laden et de son organisation. Ces derniers les ayant d'ailleurs aidés à conquérir le pouvoir. Dans ces conditions, toute attaque directe contre Ben Laden semble difficile. Ah ouais, parce qu'on risquait du même coup de fâcher les talibans. Et aussi va-t-on assister à plusieurs tractations secrètes où des émissaires américains et même saoudiens vont essayer de persuader les talibans de livrer Ben Laden. Ces négociations étaient-elles sur le point d'aboutir en août 2001 et Ben Laden a-t-il été informé de ce qui se tramait contre lui? Dans ce cas, sa réplique a été fulgurante. Les attentats du 11 septembre. Oui, même si tout était préparé depuis longtemps. Il n'est pas exclu que Ben Laden, craignant d'être lâché par ses amis talibans, ait accéléré le processus. Avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Quel rôle a joué le pétrole dans cette affaire? Voici l'analyse de Jean-Charles Brizard et Guillaume Dasquier, telle qu'ils l'expriment dans leur ouvrage Ben Laden, la vérité interdite. Le projet de pipeline Shahrzu-Guadar, c'est-à-dire du Turkménistan au Pakistan, en traversant l'Afghanistan de part en part, passe non loin de la ville d'Herat. De la même manière, un autre projet de gazoduc entre Daulatabad, un terminal au Turkménistan, reliant d'autres installations gazières de la région et Multan au Pakistan, court à travers les vallées afghanes en passant notamment à proximité de Kandahar. Pour de nombreuses compagnies pétrolières occidentales et leurs gouvernements, et d'abord pour les États-Unis, la solution afghane présente un intérêt politique majeur. Elle constitue l'alternative rêvée à des tracés flirtant avec la Russie ou pénétrant en Iran. Des solutions qui supposent de négocier directement avec Moscou ou Téhéran en adoptant la position de demandeur. Un véritable cauchemar pour Washington qui multiplie les initiatives pour contenir l'influence de ces pays en Asie centrale. Malgré ces tractations très secrètes avec les talibans, des indices de plus en plus nombreux montrent que Al-Qaïda prépare un gros coup. C'est en tout cas la conviction des membres de cette cellule antiterroriste, l'ALEC. Mais quel journaliste alors ? Il y a par exemple l'arrestation à la frontière canadienne d'un islamiste qui tentait de passer aux États-Unis avec une grosse quantité d'explosifs. Il y a aussi transmise par les services secrets saoudiens cette information sur la tenue en janvier 2000 d'une sorte de conférence des terroristes en Malaisie. On y prépare l'attentat qui frappera un mois plus tard le bâtiment militaire américain USS Cole. Mais déjà est évoquée la grande opération du 11 septembre. Et vous dites que ce sont les Saoudiens qui ont prévenu leurs homologues états-uniens. Les Saoudiens qui, manifestement, jouent un double jeu, ou bien pensent à l'avenir, c'est comme vous voudrez. En tout cas, l'information transmise par les services du Prince Turquie est très précise. Il y est en particulier mentionné le nom de deux individus qui feront plus tard partie des pilotes du 11 septembre. Or, et c'est la première faille sérieuse qui apparaît dans le fonctionnement des services de renseignement états-uniens. Non seulement ces deux terroristes ne feront pas l'objet de recherche ou de surveillance, mais ils seront autorisés à entrer sur le territoire américain. Donc malgré la création de cette cellule, l'ALEC, il existe des dysfonctionnements. Et une absence regrettable de coopération entre l'FBI et la CIA. Mmh. D'autres indices ou alertes ? Oui, je ne veux pas tout détailler, ce serait fastidieux, mais il sera établi que la CIA a été informé à plus de 30 reprises que le réseau Al-Qaïda allait tenter un gros coup. Un gros coup, mais où ? C'est la grande question. Et les analystes de la CIA, par exemple, pensent plutôt à un attentat contre des intérêts américains hors du territoire des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas que leur pays puisse être frappé en son cœur. Ah non, c'est la vérité. Et à la décharge des experts de la CIA, il faut dire que Ben Laden fait tout pour les persuader qu'il agira ainsi. Vous vous souvenez de l'affaire Jamal Begal ? Une affaire que les services français ont suivie de très près. Oui, mais enfin, rappelez-moi quand même. Begal, un jeune Français d'origine maghrébine, a été enrôlé par Al-Qaïda, entraîné en Afghanistan et chargé de préparer avec son réseau un attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris. En 2001. Hein. Au cours de l'été 2001, oui. Et donc très peu de temps avant le 11 septembre. Ouais. Vous savez ce qui s'est passé. Begal et ses petits camarades ont été donnés. Et le Français a lui-même été arrêté dans un émirat où, interrogé de façon musclée, il a tout avoué. Oui, torturé, c'était. Et selon vous, alors, il a été trahi par Al-Qaïda. C'est évident. Begal et son réseau ont servi de leurre. Et dans les guerres secrètes, il faut parfois sacrifier des combattants pour préserver la sécurité de ceux qui sont chargés de la grosse opération. En tout cas, et c'est l'essentiel, c'est donc tout un faisceau d'informations qui parvient aux États-Unis et devrait sérieusement alerter les services secrets. Mais il y a encore plus. Certains, à l'intérieur même du territoire états-unien, font de curieuses observations. C'est-à-dire, un agent du FBI, basé à Phoenix, Kenneth Williams, note que quelques élèves d'école de pilotage se conduisent de façon bizarre. Ils ne semblent pas s'intéresser aux procédures d'atterrissage ou de décollage, mais essentiellement à la conduite des avions en vol. Et ces étonnants apprentis pilotes sont tous d'origine arabe. Mmh. Alors que fait cet agent fédéral ? Il rédige un rapport très précis et l'envoie à ses chefs. Mais a-t-il déjà une explication, lui ? Oui, il soupçonne tous ces types de préparer des attentats aériens. Et il préconise des mesures de sécurité. Mais au siège du FBI, les juristes du bureau gardent ce rapport sous la coude. Mais pour quelle raison ? À leurs yeux, il s'agit de ne pas ternir l'image du FBI trop souvent accusé de pratiques procédurières. Par conséquent, ce précieux rapport ne sera connu des experts en terrorisme qu'après le 11 septembre. Autre aberration. Comme son collègue Williams, l'agent spécial Colin Rowley, en poste à Minneapolis, repère un autre élève pilote, un nommé Zacharias Moussaoui. Celui-là a intrigué ses instructeurs car il a manifesté son désir de piloter un long courrier, alors qu'il n'a manifestement pas les qualités nécessaires. Alors l'agent Rowley s'intéresse donc à lui. Et découvrant qu'il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire états-unien, il le fait arrêter. puis elle essaie d'en savoir plus. Et comme ce Moussaoui est français, elle s'adresse à Paris. Ou à la DST. Exactement. Ouais. Or, la DST possède un dossier sur Moussaoui, car ce jeune français d'origine maghrébine a été soupçonné d'appartenir à une filière de recrutement de militants islamistes à destination des camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Nanti de ces informations, Colin Rollet est donc certaine d'avoir effectué une belle prise. Mais à Washington, ses supérieurs ne partagent pas sa conviction. Et lui refusent même l'autorisation de fouiller dans l'ordinateur du français. Une erreur tragique. Pourquoi tragique? Parce que si elle avait pu ouvrir l'ordinateur de Moussaoui avant le 11 septembre, elle aurait découvert de précieuses informations, et entre autres les numéros de téléphone des membres de la cellule de Hambourg, comme on l'a ensuite appelé. Oui, c'est-à-dire la cellule terroriste qui a planifié et exécuté les attentats du 11 septembre. Hein. Le nom de Marvin Attal, le chef de cette cellule, figurait en toutes lettres dans l'agenda électronique de Moussaoui. Mais au fait, on a parlé de Hambourg, mais les Allemands, eux, n'ont pas surveillé cette fameuse cellule? Leur service de renseignement l'avait en effet repéré, mais sans plus. En fait, ils pensaient plutôt avoir affaire à des types qui préparaient des actions relevant du droit commun. Et ils étaient éventuellement prêts à les prendre en flagrant délit. Donc sans penser à des terroristes. C'est ça. Par contre, un peu partout dans le monde, des services secrets étaient alertés et avaient prévenu les Américains. Dès novembre 1999, les Britanniques avertissent Al-Qaïda envisage d'utiliser des avions de ligne comme des bombes volantes. Un an et demi plus tard, ce sont les Égyptiens qui obtiennent un tuyau et préviennent Washington. 25 membres d'Al-Qaïda auraient pénétré aux États-Unis et certains d'entre eux auraient reçu un entraînement de pilote. Ça, c'est un renseignement extraordinairement précis. Et ce n'est pas fini. Un mois plus tard, au mois d'août, ce sont les Jordaniens qui s'y mettent. Ils ont appris de sources sûres que l'organisation de Ben Laden allait se livrer à une opération de grande ampleur aux États-Unis même. Ils ont également découvert son nom de code, la Grande Noce. Ça, c'est étrange, ça. Pas tant que ça. C'est bien que les terroristes qui se suicident au nom d'Allah rejoindront au paradis des dizaines de vierges, leur céleste récompense. Une promesse qui n'est nulle part mentionnée dans le Coran. Je suis d'accord. Mais le principal est d'y croire, non? Oui, bon. L'avertissement jordanien est suivi de trois messages pressants des services de renseignement britanniques qui rapportent la même menace. Donc là, tout juste avant le 11 septembre. Oui, j'ajoute qu'en France, nos services spéciaux, qui avait créé une cellule Ben Laden au sein de la DGSE depuis déjà quelques années, savait aussi que quelque chose de grande envergure se tramait. Et en bons alliés, ils en avaient informé la CIA. Tout ça me paraît quand même extravagant, non? En effet, ces alertes répétées auraient dû convaincre les autorités américaines de prendre un minimum de précautions. Or, rappelez-vous, lorsque les quatre avions de ligne seront détournés et serviront de bombes volantes, on s'apercevra que les organes tant civils que militaires chargés de la sécurité aérienne n'étaient nullement préparés à intercepter les pirates. Et on perdra de précieuses minutes. Hein. C'est malheureusement la vérité. Alors il faut voir dans toutes ces bévues, dans ce manque de coordination entre les agences de renseignement, la source de toutes les théories fumeuses qui ont ensuite été émises. Mais les thèses dites conspirationnistes. Oui, car il est difficilement concevable qu'une grande puissance comme les États-Unis ait pu rester aveugle et sourde aussi longtemps. D'où l'idée que les autorités américaines auraient sciemment laissé faire ou même provoqué ces attentats terroristes. L'idée du complot, oui. Ouais, à laquelle vous ne croyez pourtant pas. Hein. C'est vrai. Et pour une raison toute simple, si réellement il y avait eu complot, vous imaginez le nombre de gens qui auraient eu accès aux secrets de l'opération? Dans les administrations, dans l'armée, dans les services secrets, obligatoirement quelqu'un aurait fini par parler. Alors quoi? Vous préférez croire à l'incompétence? Et surtout à l'aveuglement. Car on le sait maintenant, et l'information a longtemps été retenue par la Maison Blanche, le président Bush avait reçu un mémorandum très précis sur la menace qui pesait sur son pays. Il en a pris connaissance alors qu'il était en vacances dans son ranch, le 6 août 2001. Mais il n'en a pas tenu compte. Non, parce que déjà il était obnubilé par l'Irak et Saddam Hussein. Et tous ses conseillers et ministres, les fameux néo-conservateurs, l'encourageaient dans cette idée fixe. Ce qui l'a conduit donc à négliger la menace d'Al-Qaïda. Et ensuite à s'empêtrer dans une série de mensonges qui accréditeront encore un peu plus l'idée du complot. Mais si vous le voulez bien, nous verrons cela la semaine prochaine. Richard Clarke a longtemps été chef de l'antiterrorisme à la Maison-Blanche. D'abord sous la présidence Clinton, puis plus brièvement sous George Bush. Dès l'arrivée de ce dernier à la Maison-Blanche, Clarke informe le cabinet et les principaux responsables de la nouvelle administration de la menace Al-Qaïda. Il raconte la suite dans son livre « Contre tous les ennemis ». Chacun de mes interlocuteurs a réagi à sa façon. Cheney s'est montré comme toujours calme et silencieux en apparence. Mais les rouages s'activaient sous le masque. Il a demandé qu'on lui organise une rencontre avec les responsables de la CIA pour mieux connaître leur opinion sur la menace Al-Qaïda. Je m'en suis félicité, sachant que George Tenet serait encore plus alarmiste que moi quant au projet de l'organisation terroriste. Tenet s'est donc rendu au quartier général de la CIA pour une première visite qui devait être suivie de beaucoup d'autres. Mais la plupart eurent l'Irak pour sujet principal d'interrogation et laissèrent les directeurs de service et les analystes perplexes quant à la justesse des vues de ce vice-président et homme d'État chevronné concernant la menace irakienne. Une confirmation évidente des propos de Monsieur X. Le livre de Clark a été édité en France par Albin Michel. Sur notre site franceinter.com, vous trouverez la liste de bien d'autres ouvrages concernant le 11 septembre et Al-Qaïda. Mais je vous en donne deux de plus. L'Empire, la démocratie, le terrorisme d'Eric Hobsbawm chez André Versailles et l'énigme Oussama Ben Laden de Yann Hamel chez Payot Rivage, et puis un livre qui vient de paraître, La saga des Hachémites, la tragédie du Moyen-Âge 1909-1999 de Rémi Koeffer, un livre qui éclaire particulièrement toute cette affaire.